France Musique. Merci Nathalie Piollet. À dimanche prochain et bonne chasse aux œufs ce matin. France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. This is the problem. Voilà le décor à Pompéi à la Seine. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Those dancing feet, 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. Bonjour à tous. Direction Londres une nouvelle fois ce matin. Il s'appelle Don Black. Lorsque vous pénétrez dans sa maison, avec magnifique jardin anglais, table de billard immense au milieu de son bureau, vous ne pouvez qu'être impressionné par les statuettes Oscar, Tony's, Grammy Awards posées dans sa bibliothèque. Un coussin posé sur son canapé club donne le ton. Il est écrit dessus « Jamais une statue n'a été érigée pour un critique ». Don Black a débuté sa carrière en écrivant les paroles des chansons des films de James Bond. Depuis, il enchaîne les comédies musicales. Trois de ses spectacles sont à l'affiche à Londres actuellement. Miss Anderson Presents, l'adaptation du film de Stephen Frears qui se déroule dans un théâtre à Londres durant la Seconde Guerre mondiale. Bar Mitzvah Boy, une de ses toutes premières œuvres, écrite avec Julie Stein, le compositeur des Hommes préfèrent les blondes. Et à partir de vendredi, la reprise d'une œuvre mythique d'Andrew Lloyd Webber, Sunset Boulevard, d'après le film de Billy Wilder. Ce matin, je vous propose de passer une heure en compagnie de Don Black et cette semaine aussi de vous offrir un voyage à Londres pour assister à Miss Anderson Presents. Ring in the new, a midnight wish to share with you. Your lips are warm, my head is light. Were we alive before tonight? I don't need a crowded ballroom. Everything I want is here. If you're with me, next year will be the perfect year. Before we play some dangerous game, before we fan some harmless flame, we have to ask if this is wise and if the game is worth the prize. With this wine and with this music, how can anything let's wait and see. It may just be the perfect year. Oh. Everything we want is here. the perfect year. If our bodies were invincible and our minds were free of guilt, we would pursue life's pleasures to the very hilt. I take a little stroll round Soho Square. There's such a varied choice of men round there. There's foreign-looking fellas, all puffin' panatellas, and loads of skinny stewards from Swiss Air. For breakfast, several sherries would be sunk. By noon, I'd talk in funny dialects. I'd make Dean Martin seem like a Buddhist monk if it wasn't all the side effects. I'd mix my drinks, I wouldn't stick to one. A drop of this and that is much more fun. Bacardi laced with brandy, a pins and pillow shandy. The whole thing might be quicker with a gun. I would liaise with men all over town. Musicians, dancers, actors, architects. Amazing what you can take lying down. If it wasn't for the side effects, the backache and the bruising, the days you keep on losing, waking up in the gutter or next to some nutter. It was fun to be rotten to the core. Oh, what a shame our bodies can't take it anymore. There was this man called Emlyn. What a guy. When I met him, he was a Russian spy. But I soon proved to Emlyn he didn't need the Kremlin. I took him places Aeroflot don't fly. An info and a dipso side by side. Two dying species that no one protects. Night after night I would get liquefied. I treat myself to tricks I haven't tried. It's fair to say we both get high and wide. If it wasn't for the side effects, the chatting and the cheating, the joke you keep repeating, waking up in a crater or under a waiter. It feels great just to talk about the past. Oh, what a shame the bad times just never seem to last. If it wasn't for the side, I met this boy called Malcolm who writes prose. He says that it's like Edgar Allan Poe's. I'd love to sprinkle Malcolm from head to toe with talcum. What time do you think boots the chemist's clothes? An info and a dipso side by side. Two dying species that no one protects. Night after night I would get sleepy-fied. There's lots of things I could take in my stride. It's fair to say we both would get cockeyed. If it wasn't for the side, if it wasn't for the side, if it wasn't for the side. Une curiosité, une comédie musicale de 1988 composée par Mort Schumann qui se déroule dans un club de striptease, écrite pour les paroles par Don Black. Ça s'intitulait Budgie, cette comédie musicale. Et la chanson If It Wasn't For The Side Effects avec Susan Dunaker et Barbara Young. Et puis pour débuter, une chanson pour Norma Desmond, la diva du cinéma muet oubliée par les grands studios. C'était Glenn Close qui interprétait The Perfect Year dans la comédie musicale Sunset Boulevard, adapté du film de Billy Wilder, une musique signée Andrew Lloyd Webber et une chanson écrite pour les paroles par Don Black que j'ai rencontré dans sa maison à Londres, dans son bureau précisément où trône récompenses et photographies. Bonjour Don Black. Hello, hello, nice to see you. Vous pouvez me décrire les statues qui sont là? Yeah, I don't put a lot of my awards. Je n'ai pas tendance à montrer tous mes prix. Ce sont les prix importants que je montre. Il y a l'Oscar que j'ai remporté pour Born Free, Né Libre. Sinon, il y a un Golden Globe pour Ben, Michael Jackson. Et il y a deux Tony que j'ai remportés pour Sunset Boulevard. Les autres, ce sont des prix Ivor Novello. J'essayais de reconnaître les personnes avec vous sur les photos. Ah oui, elles sont nombreuses, ces photos. J'y suis très attaché. Il s'agit de mes collaborateurs. Charles Aznavour, j'imagine que vous le connaissez, Quincy Jones, Elmer Bernstein, John Barry, Mort Schumann, Michel Legrand, un concitoyen à vous. Donc vous voyez, de nombreuses photos, belle carrière. Don Black, merci de nous recevoir chez vous, à Londres, je crois qu'on peut dire près de Holland Park. Comment vous avez commencé à écrire des paroles ? J'ai toujours adoré les paroles. Dans ma famille, on écoutait beaucoup de chansons. Enfin, on écoutait du Cole Porter, du Irving Berlin, tous ces compositeurs américains. Et puis moi, j'adore les mots avant tout. Puis j'ai travaillé dans le Tin Pan Alley de Londres, Denmark Street, rue très connue à Londres. C'est le cœur battant de l'industrie musicale dans les années 50 et 60. J'étais entouré de compositeurs et de musiciens. Et je me suis dit, mais c'est formidable de gagner sa vie là-dedans, dans ce domaine, à être parolier, et c'est là que j'ai commencé. Au bout d'un moment, j'ai connu la réussite avec Matt Monroe, un chanteur qui chantait Walk Away, c'était ma première chanson. Là, j'ai rencontré John Barry, le compositeur, et à ce moment-là, on a commencé à travailler ensemble et on a écrit des centaines de chansons. Chez les paroliers anglais, il y a Tim Rice et puis moi, il n'y en a pas tellement d'autres, hein, la liste est assez brève. Decides to stay. musique Henri Mancini, paroles Don Black, c'était Julian Jouze. Et cette chanson du film The Party de Blake Edwards, Nothing to Lose. Avant les comédies musicales, Don Black écrit des chansons pour des films. Il collabore donc avec Mancini, avec John Barry, avec David Arnold. On le connaît surtout pour les chansons des James Bond. Les diamants sont éternels, demain ne meurt jamais, diamonds are forever, tomorrow never dies, the world is not enough, et puis Opération Tonnerre, son tout premier James Bond. C'était la chanson Thunderball, interprétée par Tom Jones. C'est John Barry, Don Black, qui fait appel à vous. Comment on procède pour écrire les paroles des chansons de James Bond? Est-ce que vous devez lire le scénario? Est-ce que le producteur vous donne des consignes? I'm always influenced by the music. Je suis toujours influencé par la musique. The tune always came first. La mélodie vient en premier chez John Barry. So with Thunderball, with Diamonds Are Forever, pour les différents films de James Bond, moi, je m'inspire de la musique de John Barry. À mon avis, une chanson de James Bond doit toujours être un petit peu provocante, sexy. Et puis, on doit traiter de l'interdit. Shirley Bassey, par exemple, c'est formidable, elle est absolument parfaite. Non, les producteurs nous font confiance en réalité. Mais il faut un certain type de parole, à vrai dire. Il faut quelque chose dans la séduction, si vous voulez. Et la musique de John Barry, c'est une grande source d'inspiration. Des gens aiment bien les anecdotes. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment d'anecdotes, il n'y a pas d'histoire. Donc il vient me voir, il joue la mélodie de Les diamants sont éternels. Et puis ensuite, moi, j'ai fait les paroles. C'est aussi simple que ça. Mais ça a plu. Bon. Et je dois dire qu'il y a un élément de chance dans tout ça, parce que l'un des producteurs qui n'a pas aimé la chanson Les diamants sont éternels, il trouvait que c'était trop sexy, un peu trop provoque, c'était Harry Saltzman. Mais heureusement, son associé a bien aimé, et Shirley Bassey évidemment a adoré la chanson, elle. Alors comment il faisait pour vous exposer la musique, John Barry? John Barry jouait pas très bien au piano, hein. À vrai dire, c'était pas un très grand pianiste. Mais il a enregistré ça sur une cassette audio pour moi. Moi, j'enregistrais, j'écoutais, et puis je vivais avec cette mélodie pendant un jour ou deux, puis des paroles me venaient dans l'esprit. Il n'y a pas l'orchestration encore. Non, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est la façon dont la mélodie se déroule. C'est ça qui m'intéresse. Parfois, il me chantait ça en faisant la-la-la au téléphone. La-la-la-la-la-la. I say okay, you know, and, bon, moi je dis très bien, on y va, on part de là. Il n'y a pas besoin d'avoir toute l'orchestration pour comprendre la mélodie. Pour Les diamants sont éternels, il me l'a fait au téléphone. Et on est parti de là. Évidemment, on s'est rencontrés, on a travaillé plus sérieusement. Diamonds are forever, they are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night, I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love, for what good will love do me? Diamonds never lie to me. Oh, la la la la la la la. Diamonds Are Forever, Shirley Bassey en 1972 dans le film de James Bond, Les Diamants Sont Éternels, musique John Berry, paroles Don Black. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Nous sommes ce matin chez le parolier britannique Don Black. Comment vous êtes passé à la comédie musicale ? Je travaillais avec John Barry, il voulait travailler sur la comédie musicale Billy. Inspiré du livre Billy Liar avec Michael Crawford, c'était dans le West End et puis ça a quand même tenu l'affiche pendant 3 ans en 1974. C'était une comédie musicale formidable. John Barry m'a fait participer à ça. C'était son idée et j'ai adoré ça. J'adore écrire des paroles pour les comédies musicales parce que dans une comédie musicale, on peut traiter la déception, les ruptures d'amour, alors que dans la musique pop, on cherche simplement l'accroche, le titre. À partir de là, je me suis lancé. Je me suis dit, la comédie musicale, c'est pour moi. Mais c'est la première fois que vous écrivez des paroles pour une comédie musicale. Comment on procède? Comment vous avez appris les choses avec le compositeur et l'auteur du livret? La comédie musicale, c'est que ça exige le plus de collaboration. On travaille toujours avec l'auteur du livret et le compositeur et le metteur en scène. Mais c'est un véritable plaisir parce que l'écriture, généralement, ça se fait dans la solitude. Mais là, c'est pas du tout ça. Parce qu'on travaille avec John, c'est un travail d'équipe, c'est en famille, en fait, qu'on travaille. Et c'est très bien. Tous les jours, on est en communication avec les autres plutôt que d'être tout seul chez soi. J'ai pris beaucoup de plaisir. Le compositeur, par exemple, pouvez-vous demander des chansons sur des thèmes particuliers? Oui, ou alors c'était l'inverse. Il m'est venu une idée d'une chanson, et puis j'ai dit, est-ce qu'on peut faire la musique? Et puis il répondait, bah oui, pourquoi pas. Et donc, on donnait la chanson à l'auteur du livret. Il n'y a pas de règle établie. Hein. Vous pouvez me donner l'exemple d'une chanson dans Billy, la comédie musicale, dont les paroles sont vraiment différentes des paroles d'une chanson traditionnelle? In Billy, Some of Us Belong to the Stars. Alors, il y a une chanson qui s'appelle Some of Us Belong to the Stars. C'est une belle synthèse de l'attitude de Billy, qui était un rêveur, mais aussi un menteur, et puis un personnage très marrant. Et il chante une chanson qui s'appelle Some of Us Belong to the Stars. C'est son hymne, en quelque sorte. Il pense qu'il est à part du reste de l'humanité. C'est un rêveur, il fait partie des étoiles, et puis il pense qu'un jour, il sera un scénariste très célèbre. Et cette chanson, c'était un grand plaisir pour moi et c'était un des grands succès de la comédie musicale. Some of us belong to the stars, and that is where I'm going. I will soar all over the sky, and I won't need a Boeing. Most people stay and battle on with their boredom. But what's the sense in dreaming dreams if you hoard 'em? It won't be long before I say my ta-tas. I belong to the stars. Some of us belong to the stars. Up there is where you find me. If you wanna come for the ride, then form a queue behind me. Soon I'll be wallowing in all of life's riches. I'm gonna carve myself some crater-like niches. You better go rehearse your rippy-boo-rahs. I belong to the stars. Some of us belong to the stars, these followers and leaders. Some of us are born to be great, and some are born conceiters. So I will go wherever winners assemble. Yes, from now on the world won't spin, it will tremble. I'll soon be passing round the Cuban cigars. I belong to the stars. Some of us belong to the stars. We fly around in orbit. We soak up the wisdom of life while others can't absorb it. I'll hang me hat in every part of the atlas. Most of the time I will be hopelessly hatless. You must come visit one of my Shangri-Las. I belong to the stars. I belong to the stars. I belong to the stars. I belong to the stars. Michael Crawford, en 1974, révélé dans cette première comédie musicale signée John Barry pour la musique et Don Black pour les paroles, Billy, d'après le roman Billy le menteur de Keith Waterhouse. Alors Don Black, vous avez ensuite collaboré avec un compositeur extrêmement réputé de Broadway, Julie Stein, à qui on doit la musique de Gypsy et Des hommes préfèrent les blondes. C'était pour un spectacle intitulé Bar Mitzvah Boy, l'adaptation d'un téléfilm britannique sur un ado qui prend peur le jour de sa bar mitzvah et s'enfuit. Vous pouvez nous raconter la genèse de cette comédie musicale et puis comment il était ce grand bonhomme, Julie Stein? Well, the producer of Billy, le producteur de Billy s'appelait Peter Witt. Une fois qu'on a eu le succès, il a dit « Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant ?» Et moi j'ai dit « Il y a une pièce géniale qui s'appelle Bar Mitzvah Boy et je voudrais travailler là-dessus, mais en comédie musicale. » Et il m'a dit « Avec qui voulez-vous travailler ?» Et ben j'ai dit « C'est impossible, mais je rêverais travailler avec Julie Stein. » Eh ben, il a décroché le contrat. Il m'a mis dans l'avion, je suis allé à New York, j'ai rencontré Julie Stein, c'est un homme formidable. Il était au piano et il m'a joué tous ses grands succès, puis c'était pas des petits succès, Time After Time. It's magic, three coins in a fountain, everything's coming up roses, succès après succès, Funny Girl. Et c'était un grand plaisir de travailler avec lui. Mais malheureusement, le spectacle qu'on a monté a été surproduit. C'était une trop grosse production. Il y avait des serveurs qui chantaient. Il s'agit d'une famille juive dont le fils va avoir sa bar mitzvah. C'est tout, hein. Mais comment vous travaillez avec Julie Stein? Vous lui dites, je voudrais tel style de musique? Non, c'était un homme très drôle. On s'entendait super bien. Toute la famille l'aimait bien. Il se mettait au piano, puis il écrivait des mélodies, comme ça. Et il me donnait mélodie sur mélodie. Et moi, je faisais les paroles. C'était une grande joie. On se réunissait, puis on s'amusait. C'était très chouette. C'était pas sérieux, hein. Mais généralement, c'est la musique qui vient d'abord. Il y avait un livre. Il y avait même une pièce télévisée. Il connaissait l'histoire. Et puis, c'était un homme particulièrement productif. Il arrivait avec 3-4 mélodies. Et il disait, celle-là, elle te plaît? Ah, bah, si elle te plaît pas, j'en ai une autre. Il avait toujours le choix. Voilà, c'était un type formidable. Julie Stein avait la réputation d'être un grand parieur. Est-ce que vous l'avez vécu, ça? Ah, c'est une question intéressante. Parce que c'était un parieur, pas un gros parieur. Mais quand je me rendais à son bureau à New York, j'étais absolument surpris parce qu'il était au téléphone et il parlait avec son bookmaker. Et il disait... le visage tout rouge, il disait, allez, je mets $5 sur le petit prince. Et moi, je me dis, $5, c'est que dalle, c'est rien du tout. Quel petit joueur. Et je lui ai dit, mais Julie, moi, je pensais que tu serais un gros parieur. Il a dit, c'est pas la peine d'être un gros parieur. Mais moi, ça me passionne tous les jours, le pari, comme ça, sur les chevaux. Donc tous les jours, même des petites sommes, il jouait. Il adorait ça. Yes, we've done all right, and we can be proud of ourselves tonight. Don't mind admitting I feel a little glow. No, we can't complain, 'cause we ain't done bad since we left the lane. Touch wood, my angel, it's worked out fine, you know. There were times we drove ourselves right out of our minds. When you stop and think what me and you went through, still we've done all right. I done it for you, it was worth the fight. All things considered, we've got a lot to show. Rita, darling, we'll sleep well tonight. All in all, we've done all right. Don't know what to say. Yes, thank God we are where we are today. But I remember when things were not quite so. The ceiling used to leak, hot bath once a week. Yes, we've done all right. I don't often cry, but tonight I might. Fancy us planning so well, so long ago. With a part or two, you were well to do. What a match we made. We're more in love every day. Let me hear you speak. Say you agree with me. I agree with you. Sooner or later, I always do. We're very lucky to feel this little glow. It just goes to show that you never know. Victor, Rita, come kiss me goodnight. After all we've done. Il y a un faux air de violon sur le toit dans cette comédie musicale Bar Mitzvah Boy. C'était la chanson des parents Victor, Rita, à la veille de la Bar Mitzvah de leur fils. We've done it all right, on a bien fait les choses. C'était Joyce Blair et Harry Twobe. Bar Mitzvah Boy qui est actuellement à l'affiche à Londres dans un petit pub. Upstairs at the Gatehouse. Alors ensuite, une grande partie de la carrière de Don Black, le parolier, va se dérouler aux côtés du compositeur Andrew Lloyd Webber, le compositeur de Cats, du Fantôme de l'Opéra, et l'un de leurs tout premiers travaux en commun. C'est une pièce en un acte, Tell Me on a Sunday, le parcours d'une jeune Anglaise ordinaire qui parcourt les États-Unis de New York à Hollywood à la recherche de l'amour. Write a letter when you want to leave. Don't call me at 3 a.m. from a friend's apartment. I'd like to choose how I hear the news. Take me to a park that's covered with trees. Tell me on a Sunday, please. Let me down easy, no big song and dance. No long faces, no long looks, no deep conversation. That's got chimpanzees. Tell me on a Sunday, please. Don't want to know who's to blame. It won't help knowing. Don't want to fight day and night. Bad enough. Don't get drunk and slam the door. That's no way to end this. I know how I want you to say goodbye. Find a circus ring with a flying trapeze. Tell me on a Thank you. to a park that's covered with trees. Tell me on a Sunday, Sarah Brightman, Tell Me on a Sunday, paroles Don Black, musique Andrew Lloyd Webber. Et puis en 1991, Don Black vous adaptez avec Christopher Hampton, toujours pour Andrew Lloyd Webber, le film de Billy Wilder, Boulevard du Crépuscule. Est-ce que ça, c'était pas comme une énorme montagne à escalader ? Non, on ne regarde pas les choses comme ça. Christopher Hampton et moi, on s'est réunis, on a adoré le film, hein, Sunset Boulevard. C'est une histoire formidable, il y a beaucoup de choses à faire, en chanson d'ailleurs. Et lorsque Andrew Lloyd Webber m'a joué... Donc là, c'est d'un seul regard, with one look. Lorsqu'on entend ça, Norma Desmond descend l'escalier et il dit, qu'en penses-tu de la mélodie ? Il joue la mélodie. Et bien là, on se rend compte de ce que ça pourrait être. C'est une mélodie magnifique. C'est pas du tout une montagne impossible à gravir. C'est un plaisir de se lever le matin pour aller travailler dans ces conditions-là. Christopher Hampton et moi, nous avons travaillé en étroite collaboration. On a tout fait ensemble, particulièrement pour les chansons principales. Là, c'est moi qui ai fait le plus gros du travail, et pour le livret, c'est lui qui a fait le plus gros du travail. Mais bon, c'était une collaboration à part entière. On commence par quoi ? What did you start with ? On a commencé par With One Look, d'un seul regard, je crois. As If We Never Said Goodbye. Chanson importante dans le spectacle aussi, puis après on arrive à des chansons importantes, mais on commence par le début. Donc il était 5 heures du matin, il y avait un homicide, vous vous souvenez de l'histoire de Sunset Boulevard, donc, et il venait tous les jours, il était là, dans cette chaise, là où vous êtes, là, et puis on parlait, voilà. On avait la musique d'Andrew Lloyd Webber, moi, j'écoutais la musique en boucle, et puis on s'assurait que tous les morceaux étaient là, que tout était en place. C'est un processus progressif. Donc on a travaillé en France, Andrew Lloyd Webber habitait en France, puis après on a tenu des ateliers. C'est beaucoup de travail hein, avant de monter le spectacle. Vous lisez beaucoup pour entretenir les mots ? Non, c'est pas la peine d'être un grand lecteur, non. Pas besoin d'une grande culture. Hein. On dit, c'est une vedette d'un film muet, Norma Desmond donc, et puis il faut qu'elle chante une chanson. Et elle va chanter une chanson sur sa grandeur. Voilà, c'est tout, c'est pas la peine de lire des milliers d'ouvrages. Hein. Avec d'un seul regard, je peux te briser le cœur. D'un seul regard, je peux jouer n'importe quel rôle. C'est pas la peine d'être très cultivé. Il faut avoir la substantifique moelle. Et quand on est parolier, il faut toucher les gens au cœur. Mon épouse dit toujours que ce que l'on n'aime pas chez les autres, c'est à quel point ils parlent pour dire une chose toute simple. Mais c'est vrai, elle a raison. Le parolier, lui, doit arriver au message clé le plus vite possible. Il faut être économique dans la production des mots, dire beaucoup de choses en très peu de temps. Play every part. I can make your sad heart sing. With one look, you'll know all you need to know. With one smile, I'm the girl next door. Or the love that you've hungered. I speak, it's with my soul. I can play any role. No words can tell the stories my eyes tell. Watch me when I frown. You can't write that down. You know I'm right It's there in black and white. When I look your way, you'll hear what I say. Yes, with one look, I put words to shame. Just one look sets the screen aflame. Silent music starts to play. One tear in my eye makes the whole world cry. With one look, they'll forgive the past. They'll rejoice, I return. C'est Patti LuPone qui crée en 1991 à Londres le personnage de Norma Desmond dans l'adaptation en comédie musicale du film Sunset Boulevard. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Nous sommes ce matin avec le parolier de Sunset Boulevard, Don Black. Il y a un moment poignant dans Sunset Boulevard, c'est lorsque Norma Desmond retourne à la Paramount. Elle croit qu'elle est rappelée par le réalisateur Cici B2000, mais en fait, il n'en est rien. Quelle chanson on écrit pour ce moment? C'était un grand plaisir, mais c'était pas facile. C'est un moment clé dans le spectacle. Elle arrive à la Paramount, elle en rêve depuis 20 ans, et c'est le grand moment pour elle. Elle arrive dans les studios de la Paramount, et il faut qu'elle chante. Elle croit qu'elle y va parce que Cecil B2000 lui a demandé de venir, mais en réalité c'est pas elle qui l'intéresse, lui il s'intéresse à sa voiture, si vous vous souvenez de l'histoire de Sunset Boulevard. Elle regarde autour d'elle, ça vous brise le cœur cette histoire, parce que elle croit qu'elle est à nouveau là, elle est à nouveau là en haut de l'affiche, elle est redevenue une grande vedette, et c'est pour ça que c'est si émouvant. Elle chante une chanson comme si c'était à nouveau son grand retour sur scène et dans la lumière. C'est un grand moment théâtral, hein. Elle chante et elle chante, je ne sais pas pourquoi j'ai peur. Je sais, je connais le chemin ici. Je vois les décors en carton-pâte. Je connais le son des studios. Et en réalité, elle parle de toutes les conversations qu'elle a eues à la Paramount dans le temps. Et tous les gens disent bonjour, mademoiselle Desmond. Bonjour, comment allez-vous? Elle a l'impression que c'est la plus grande vedette du monde. C'est une mélodie fantastique qui porte ça. Comment vous décririez les paroles de Sunset Boulevard? Vous disiez que les paroles que vous écriviez pour James Bond étaient sexy, mais pour Sunset Boulevard, vous les écrivez comment? Là, on est dans la délicatesse, dans la fragilité. Et il faut être poignant, parce qu'elle chante de l'année parfaite, the perfect year, mais c'est une illusion, en fait, tout ça, ce n'est que dans son esprit. Et on le sait, nous. À chaque fois qu'elle chante, eh bien, nous, on se voit dans ce qu'elle chante. I don't know why I'm frightened. I know my way around here. The cardboard trees, the painted seas, the sound here. Yes, a world to rediscover. But I'm not in any hurry, and I need atmosphere as thrilling here as always. Feel the early morning madness, feel the magic in the making. Why, everything's as if we never said goodbye. I've spent so many mornings just trying to resist you. I'm trembling now, you can't know how I've missed you. Lights already burning, not long until the cameras will start turning, and the early morning madness and the magic in the making. Yes, everything's as if we never said goodbye. I don't want to be alone, that's all in the past. This world's waited long enough. I've come home at last. And this time will be bigger and brighter than we knew it. So watch me fly. In overcrowded hallways, so much to say, not just today, but always. We'll have early morning madness, we'll have magic in the making. Yes, everything's as if we never comme si on ne s'était jamais quitté. Norma Desmond de retour à la Paramount. C'est Glenn Close qui incarnait Norma Desmond à Broadway et qui reprendra ce rôle à partir de vendredi à Londres durant un mois à l'English National Opera. Et puis à Londres, troisième œuvre à l'affiche, signée Don Black pour les paroles. Cette fois, c'est une nouveauté, l'adaptation en comédie musicale du film de Stephen Frears, Miss Anderson Presents. Rappelez-vous, c'était un film émouvant et musical avec Judi Dench dans le rôle titre d'une veuve qui décide de racheter un fameux théâtre à la veille de la Seconde Guerre mondiale à Londres et d'en faire un lieu de fantaisie alors que les bombes s'abattent bientôt sur la capitale. Miss Anderson Presents, la comédie musicale, a ouvert le mois dernier à Londres. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Don Black, d'adapter ce film en comédie musicale ? Eh bien, parce que c'est une histoire dans le milieu du show business. C'est une histoire de théâtreux, en quelque sorte. On est dans les coulisses, c'est comme Gypsy. Ce sont des gens dans le showbiz. Et c'est toujours bien de pouvoir faire des chansons. C'est tout à fait naturel. Mrs. Henderson présente. Donc là, on est en 1937, à Londres. Voilà une dame qui a racheté le Windmill Theatre. Et ça se passe pas très bien. Elle veut monter des spectacles. Et puis, elle a une idée géniale. Parce qu'elle était allée au Moulin Rouge à Paris, elle a dit, eh bien, les filles étaient totalement dévêtues là-bas. Et donc, ils essayent de faire la même chose à Londres. Et puis, évidemment, ça rencontre le succès. C'est très drôle. C'est une soirée très drôle. Mais la toile de fond, c'est la guerre, évidemment. Et le Blitz à Londres. Donc, ça devient assez sombre, hein, quand même. Parce que les nazis progresse et il y a une menace nazie en Angleterre, il y a des bombardements à Londres. Et donc, il se passe pas mal de trucs dans le spectacle. Et le personnage de Mrs. Henderson, c'est une femme de caractère. Elle n'abandonne pas. Elle a 68 ans et elle se battra jusqu'au bout. On le sent, elle a tant d'énergie. Merci, Don Black. Wow, it was a pleasure. I enjoyed it. There are certain do's and don'ts when you reach a certain age, but there's no need to be glum. There are lots of reasons to be happy, I can think of some. I can still be witty, I can still be smart, I can still maybe break someone's heart. Not all my springs have been sprung. I can be anything but young. I can still look gorgeous should it cross my mind. I can still be wild if so inclined. Not all my bells have been rung. I can be anything but young. A little more these days, and I'm past climbing hills. I remember old songs, but I can't remember if I've taken all my pills. Dance break. We can still be gay. There are some things time can't take away. Not all our things have been flung. We can be anything but young. C'est Tracy Bennett qui incarne Miss Anderson et Yann Bartholomew qui incarne Vivienne Van Damme, son metteur en scène, dans la comédie musicale Miss Anderson Presents, actuellement à l'affiche au Noel Coward Theatre, une comédie musicale à laquelle nous vous invitons. France Musique, 42e rue, en partenariat avec nos partenaires, la Société des Théâtres de Londres et Eurostar, vous invite à Londres. Chaque semaine jusqu'au 10 avril, nous vous offrons deux voyages pour deux personnes de Paris à Londres pour assister à une comédie musicale. Alors la semaine dernière, nous vous offrions des places et un voyage pour aller voir Guys and Dolls. Il fallait répondre tout simplement que l'auteur qui a inspiré l'histoire de Guys and Dolls est le journaliste Damon Runyon et que c'est Frank Sinatra qui incarnait dans le film de Joseph Mankiewicz Nathan Detroit. Alors, eh bien vous avez été nombreux à jouer et nous avons tiré au sort les gagnants. Il s'agit de Olivier Bouissou qui habite à Brax en Haute-Garonne et Jessica qui habite à Les Claye-sous-Bois, dans les Yvelines. Voilà, vous pourriez préparer votre sac pour le samedi 28 mai. Cette semaine, nous vous offrons un voyage pour assister à Miss Anderson Presents au Noel Coward Theatre. Pour jouer, c'est simple, il faut répondre à deux questions dont, si vous avez été attentif à l'émission, j'ai donné les réponses au cours de cette 42e rue. Première question, qui interprétait Miss Anderson Presents dans le film de Stephen Frears? Et puis, quelle était la première chanson écrite pour un film de James Bond par Don Black? Vous connaissez les réponses, et bien direction la page de 42e rue sur francemusique.fr et puis vous cliquez sur le lien qui vous amène à la page du concours. Là, vous remplissez le formulaire, vos coordonnées, vos réponses. Vous avez jusqu'à mercredi soir minuit pour participer. Le tirage au sort départagera les gagnants et nous vous annoncerons les deux auditeurs gagnants qui pourront partir à deux le 28 mai, dimanche prochain. Bonne chance. Mrs. Henderson presents, I can see that on a bill. There will be premieres where everyone is dressed to kill. London's elite will pay a fortune to be there. There'll be queues from Windmill Street all the way to Soho Square. It's an 18 kind of thrill when Mrs. Henderson presents. Miss Anderson Presents à l'affiche à Londres au Noel Coward Theatre. Plus d'informations, le podcast, c'est sur la page de 42e rue sur francemusique.fr. Vous aurez également les infos sur notre prochain cabaret 42e rue en direct dans 15 jours avec la troupe de l'Opéra de Katsu. Les réservations sont ouvertes. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique proposée par Laurent Vallière. Merci à Xavier Combe pour la traduction. Merci à Martine Moni, Léa Racine. À la technique ce matin, Jean-Louis Deloncle. Réalisation, Perrine Minguy. Restez avec nous juste après le journal. Vous retrouvez Renaud Machard. Rideau.